Wesh, tu penses, ça dit quoi? Ça va, on est là, hein. Ça dit un truc, le twist. Le twist. Un truc à l'ancienne, je t'ai même pas dit. Ah ouais. Viens, on fait un twist, chata. Je suis chaud, moi. Ah ouais, t'es chaud? Just moving like twist position. Move your hips, keep same position. We not here with white location, yeah. We not here with white temptation. With white location, if you skin medium fat. Temptation, back twist on that. Take your head, keep your heart. Back flip, wap wap wap. Nickel, comment tu twistes? Faut que ça glisse. Bouge ton corps, fais-moi voir que tu maîtrises. Chante tes coincés et que tu bouges que les cuisses. Pas de step back, faut que tu bend back. Laisse-moi faire, j'ai le step moi. J'ai le truc pour faire des pas dancehall. Pas de back flip, pas de step à l'enchaînement. Gauche doigt, give me the move now. Twist, twist, twist, twist. North side, jump to the left. Twist, twist, twist, twist. South side, jump to the right. Twist, we are sister. Twist, we are mother. Twist, we are wife, we are child, we are brother. Twist at work, catwalk. Girl, you are so shine, so twist like dirty. Twist like Zook, booty rider. Pick and juke, body biker. Move your body, girl, a pum pum a twist, yeah. Move your body, girl, a pum pum a twist. Moi, comment tu bouges? Comment tu fais ça? Let me push that right, pas de pression. J'ai le good move et t'as les ingrédients. Là y'a tout ce qu'il faut pour se flexa. Twister en zouk, comment tu fais ça? Pick et juke, toi tu dead ça. Move ton body girl, j'ai le pom pom addicté. Move ton body girl, j'ai le pom pom addicté. Twist, twist, twist, twist. North side, jump to the left. Twist, twist, twist, twist. South side, jump to the right. Jump to the left, me say. Jump to the right, hey. Jump to the left, me say. Jump to the right, hey. Twist, twist, twist, twist. Worldwide, jump to the high. Twist, twist, twist, twist. Left side, jump to the left.